voulais écrire une chanson banale, un truc qui resterait bas dans les annales, un texte vaguement stupide, un peu bancal, comme faire du vélo sans les pédales. J'ai trouvé des tonnes de rimes en halle, avec des jeux de mots vachement originales, ou bien des jeux de mal très originaux. Attendez deux secondes, je vais chercher mon dico. La philosophie de comptoir, moi je vous la fais à la guitare. Tiens, file-moi donc un coup à boire, et je tiendrai jusqu'à demain soir. Parfois je trouve que les gens sont gonflés à me contredire, à ne pas m'écouter. Pourtant il me semble que j'ai plus souvent raison que les autres en moyenne globalement. Pour les accords c'est pas bien compliqué, j'ai pris les plus simples que j'ai pu trouver. Tu noteras qu'il y a quand même quelques barrés, ça nique les doigts mais ça fait son effet. Et si tu trouves que ça manque de mineur, je te le dis tout de suite, va voir ailleurs. J'ai pas une tête à creuser les trous, ni à me prendre pour Marc Dutroux. La philosophie de comptoir, moi je vous la fais à la guitare. Tiens, file-moi donc un coup à boire, et je tiendrai jusqu'à demain soir. Parfois je trouve que les gens sont gonflés à me contredire, à ne pas m'écouter. Pourtant il me semble que j'ai plus souvent raison que les autres en moyenne globalement. Allez messieurs dames, on arrive, on approche, on n'a pas peur. Ça n'est qu'un philosophe de comptoir, il tiendra au moins jusqu'à demain soir. Vous avez remarqué comment les gens sont gonflés, mais c'est incroyable. Je parle, ils m'écoutent pas. Well, you know, my dear friend, it's time for this to come to an end. But I just thought that maybe a verse in English would make you happy. This is a trivial song, you've never heard it, but you can sing along. I could go like this, on and on. Let's start from the top, please come on. This is a trivial song, now you've heard it, you can sing along. I could go like this, on and on. Let's start from the top, please come on. This is a trivial song, now you've heard it, you can sing along. I could go like this, on and on. Let's start from the top, please come on. This is a trivial song, now you've heard it, you can sing along. I could go like this, on and on. Let's start from the top, please come on. This is a trivial song, now you've heard it, you can sing along.